Dans un monde où dès nos 12 ans, on nous demande de nous orienter sur une filière qu'on va devoir suivre jusqu'à la fin de sa vie. Un monde où on classe les gens par catégorie et où chaque phrase sortie de notre bouche sera définitive. Chaque seconde est comptée. Ceci est probablement le dernier Nat Penowild. Plus j'écris, et plus je constate que l'ombre m'attire comme un aimant. Et vous avez l'air de trouver ça cool. Je préfère très honnêtement faire rire les gens que pleurer. Pour briller en société, il faut des références. Une culture et un avis sur à peu près tout. Toute personne anarchiste sera alors systématiquement rejetée et finira ses jours à s'exprimer à un auditoire moindre comparé à celui ou celle qui suit la tendance. J'ai toujours été attiré par la différence. Un jour, prenez 5 minutes entre deux métros et discutez avec un clochard. La claque mentale qu'il va vous coller sur son expérience de la vie risque de vous dégoûter à tout jamais de tout un tas de profils bien définis. Les hipsters pensant avoir une personnalité avec leur tatouage tout droit sorti de la dernière série qu'ils ont visionné sur Netflix. Les féministes qui veulent l'égalité homme-femme alors qu'elles sont incapables de changer une ampoule sans faire 4 recherches sur Google. Mon dieu, ce qu'elles sont connes. Aucun homme ne se permettra jamais de donner son avis sur la dureté de mettre au monde un nouveau-né. Vous portez la vie, donc supportez la peine plus que personne. Laissez-nous tranquilles avec vos putains de revendications de merde toutes faites sur le mâle alpha qui aurait eu le malheur de vous dire que vous êtes jolie dans la rue. Vous ne pensez pas une seule seconde aux femmes en fauteuil roulant, aux femmes dévisagées par l'acide, à toutes les handicapées et aux innocentes qui rêvent de sortir de prison. Je rêve qu'un jour on vous mette face à vos vraies responsabilités. Au lieu de penser que la vie est un combat, pensez plutôt à ceux qui en ont marre de la vie à cause des personnes comme vous. J'emmerde tout autant les tocards qui sifflent le premier cul qu'ils voient passer et qui répandent le malaise dans les transports en commun. Mais ça, vous ne le comprendrez jamais. Vous êtes persuadé de prêcher la bonne parole avec vos discours, vos pancartes et vos nibards à l'air, vos poils sous les bras, votre peau dégueulasse et vos cheveux tout gras. Je vous emmerde tellement. Chacun sa place à la maison. C'est comme ça depuis la nuit des temps et vous risquez pas de changer grand chose avec vos hashtags de merde. Je pense que si un jour, je sors avec une féministe et qu'un mec commence à nous embrouiller pour X raisons dans la rue, et que la féministe commence à dire au connard d'en face qu'il ne respecte pas le droit des femmes et qu'elle essaye de lui mettre une tarte, il y a des chances que je démonte ma meuf à coups de latte avant même que l'agresseur ait eu le temps de comprendre. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle de réagir dans ce genre de situation. Et toi, c'est ton rôle de fermer ta gueule. Interdiction formelle de ramener cet événement à ton sexe. De toute façon, j'ai jamais eu l'intention de me marier avec un lave-vaisselle. Vous n'avez pas plus intéressant à faire de vos journées que de militer pour une cause perdue. C'est marrant, on vous entend plus dire que vous voulez une femme au pouvoir depuis qu'on vous propose Marine Le Pen au second tour. Ça me fait tellement rire. Vous voulez quoi? Un parti politique? Des déménageuses, des croqueuses mortes, des mécaniciennes pour les joints de culasse à 6h du mat quand il fait moins 5 dehors, des ouvrières du BTP, des esthéticiens pro-manucure, des videuses de boîtes de nuit, une dictatrice en Corée du Nord, des iPhones femelles, moi je veux bien, mais attendez que je sois rentré au bled sur mon île. En Bretagne, là où vos avis sont facultatifs et où la cuite nous fait oublier vos névroses d'andropause et incontinentes. La vie perd en sa saveur avec le genre de parasite que vous êtes. Plus vous revendiquez, plus on en a rien à branler. Avec du recul, j'ai peut-être compris votre système. Si on part du principe que le ridicule ne tue pas et que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Continuez comme ça les femmes.